Préface. J'ai dû écrire ce livre avec une extrême modération. Voici pourquoi. Le produit de cette publication est destiné à venir fraternellement en aide à un grand nombre de mes chers compatriotes réfugiés dans les États sardes, en Belgique ou en Suisse, et que la proscription a privés des ressources de leurs travaux habituels. Telle est la cause de l'extrême et souvent pénible réserve que je me suis rigoureusement imposée. Mes amis, je l'espère, la comprendront. Peut-être m'en sauront-ils quelque gré. Ailleurs, je raconterai mon séjour et celui de plusieurs autres représentants du peuple au fort du Mont Valérien. Alors je pourrai parler sans contrainte. J'ai donc le ferme espoir que les gouvernements qui accordent une généreuse et souvent sympathique hospitalité aux réfugiés français ne s'opposeront pas à ce que l'un de leurs frères tâche, au moyen de sa plume et selon la faible limite de ses forces, de soulager des malheurs aussi honorables que dignes d'intérêt. À ce sujet, un mot. L'acte du 2 décembre, je dis l'acte, je suis, on le voit, réservé, contenu. L'acte du 2 décembre a jeté sur la terre d'exil, selon l'arrêt de leur juge, je dis leur juge, on ne saurait, je crois, pousser plus loin la modération. Donc, l'acte du 2 décembre 1851 a jeté sur la terre d'exil, selon l'arrêt de leur juge, la lie des partis, l'écume de la France, les partageux, les jacques, les pillards, les violeurs de femmes, les incendiaires, les assassins, les bandits. Eh bien, depuis que ces partageux, ces jacques, ces bandits sont réfugiés en Suisse, en Belgique, en Angleterre, dans les États sardes, les gouvernements de ces nations ont-ils eu à reprocher à ces jacques, à ces partageux, à ces bandits, un crime? Non, pas même un crime. Mais un méfait? Non, pas même un méfait. Un délit? Non, pas même un délit. Mais la moindre inobservance de la loi du pays où ces hommes mis au ban de l'Europe ont trouvé un refuge hospitalier? Non, car il s'agit ici de faits prouvés, éclatants, qui sont l'une des consolations de la France. Ces enfants proscrits ont partout fait aimer, vénérer son nom. Les cœurs les moins prévenus s'émeuvent en voyant un grand nombre de ces proscrits fièrement résignés, demander, quelles que soient leurs aptitudes, demander au travail, souvent au plus rude travail, le pain amer de l'exil. Note de bas de page. À Genève, M. X, instituteur d'un rare mérite, a longtemps travaillé avec les maçons du pays. Retour au texte. Oh, si quelqu'un de nous avait été cité devant les tribunaux étrangers pour une action mauvaise ou honteuse, avec quelle joie cruelle, avec quel retentissement inexorable, les journaux séides du gouvernement de son Altesse impériale auraient appris au monde entier la honte de l'un des nôtres. Mais non, non, si haineux que soit l'esprit de parti, nous imposons même à nos ennemis le respect. Ai-je donc trop présumé de la bienveillance, j'oserais dire de l'équité des gouvernements, mieux à même que personne d'apprécier la délicatesse, la noblesse du caractère des réfugiés français, en espérant que ces gouvernements ne mettront aucun obstacle par la publicité de ce livre? Son but est sacré, puis ni son objet ni sa forme ne peuvent blesser en rien la susceptibilité internationale la plus ombrageuse. Je m'explique. L'acte, je dis toujours l'acte du 2 décembre 1851, a brisé violemment la Constitution, la loi. C'est un fait reconnu, avoué, glorifié par les fauteurs même de cet acte. C'est un fait acquis à l'histoire par l'arrêt de la Haute Cour nationale du 2 décembre 1851. Or, pour la gloire impérissable de la France, des milliers d'honnêtes gens, bourgeois, paysans, artistes, prolétaires, gens de lettres, représentants du peuple, tous fidèles à la loi et au droit, ont voulu défendre cette Constitution, confiée à la garde et au patriotisme de tous les Français, article 110 de la Constitution de 1848. Ces milliers de défenseurs de la loi et du droit sont aujourd'hui presque tous proscrits. D'autres sont morts sur le pavé des villes, d'autres dans les sillons de leurs champs paternels. d'autres sur l'échafaud. D'autres sont aux galères ou transportés sous le ciel dévorant de l'Afrique et de la Guyane. Ces derniers surtout sont de tous les plus cruellement frappés. L'exilé en Europe peut recevoir souvent des nouvelles de sa famille, quelquefois l'appeler près de lui, au milieu de ses doux épanchements, rêver encore la France sur le sol étranger. Mais le transporter, séparé des objets de ses affections par l'immensité des mers, est en proie à des inquiétudes, à des angoisses horribles. Et souvent sa complète ignorance du sort des siens est aussi cruelle pour lui que la pire des certitudes. Mon Dieu, songe-t-on ce que c'est que de se dire à chaque heure du jour ou durant les solitaires insomnies de la nuit « Ma femme, ma mère, mes enfants, mon père, ma sœur, mon frère, où sont-ils? Que deviennent-ils ?» Et si se transporter est l'unique soutien d'une famille tendrement aimée, que devient cette famille? Ce qu'elle devient? Ah, ce qu'elle devient! Ce livre va vous l'apprendre, lecteur, et à quelque opinion politique, à quelque nation que vous apparteniez, si vous êtes homme de bien, vous éprouverez une compassion douloureuse pour tant de maux immérités, pour tant de touchantes et innocentes victimes, pour tant de familles privées de leur unique appui, privées de leur chef dont le crime fut d'avoir, un jour, au nom du droit, défendu la loi. L'un de nos récits, Jeanne, est l'histoire de la famille d'un paysan transporté. L'autre récit, Louise, est l'histoire de la famille d'un bourgeois transporté. Il n'y a dans ces tristes pages nulle exagération. Ce sont des faits connus de tous, et si en vertu des motifs déjà donnés, je n'étais fermement résolu de ne pas sortir de la modération, ou plutôt du silence que je me suis momentanément imposé, je pourrais citer une multitude de faits irréfragables qui prouveraient la complète réalité des récits qu'on va lire. Et maintenant le plus cher de mes vœux serait comblé si la publication de ce livre pouvait venir efficacement en aide à ceux de mes compagnons d'exil dont le malheur peut seul égaler la dignité. Eugène Sue.